Méprise est le deuxième long métrage de Bernard de Clercq. Il sortira dans les salles belges ce mercredi 6 juin. Écoutons la bande-annonce. Vous voyez, cette boule blanche, elle est encore petite. Hein. C'est une petite tumeur, un glioblastome. Vous n'avez pas une femme sur laquelle vous pouvez compter les jours qui viennent? Elle ne sait même pas que je suis ici. Le faisceau de protons est dirigé à travers la tumeur, couche par couche, pixel par pixel, afin de respecter parfaitement la forme de la tumeur. Parfois la maladie rapproche, hein. Parfois malheureusement, elle sépare. Tu étais où ? Loin. Très loin. On vous attendait, monsieur Mailleux. Je comprends pas très bien ce que je fais ici. Arrête de flipper, hein. Tout va bien se passer. Vous avez peur que je tombe ? C'est encore un papillon ? Je sais, je dis ça à chaque fois, mais cette fois-ci, c'est la dernière. Méfiez-vous des caméras dans la chambre. Nous sommes écoutés. Putain, il m'a fait peur, ce con. C'est une araignée de la pire espèce. Elle vous emprisonne jusqu'à la mort. Bien, où en étions-nous tous les deux ? Adapté du roman Côté Jardin de Alain Monnier, on retrouve dans les rôles principaux Pascal Grégory, Fabrizio Rongione et Moana Ferré. Une chose m'a frappé, c'est la belle réalisation, chaque plan est pensé, imaginé, avec soin. Côté histoire, le début est intéressant, mais après 20 minutes, on a déjà la solution du film. Là, on regarde sa montre et on s'aperçoit qu'il reste encore 1h10. Le réalisateur dit qu'il a voulu construire son long métrage en 3 points de vue, sauf que là, c'est vraiment radical et cela perd le spectateur. Côté acteur, Fabrizio Rongione prouve une nouvelle fois son talent. À un moment, il ne peut que s'exprimer avec les yeux et on arrive à le comprendre. Pascal Grégory est égal à lui-même, un peu hautain et monolithique. Quant à Moana Ferré, j'avais dû l'entrevoir dans d'autres films, mais elle ne m'avait pas marqué. Malgré un rôle plus conséquent, elle ne reste pas dans ma mémoire. On ne croit tout simplement pas à son personnage. Troisième noce de David Lambert avec Bully Lanners en tête d'affiche sortira le 13 juin en Belgique. On écoute la bande-annonce. Bonjour, c'est pour inscrire Tamara ici présente à mon domicile. C'est quoi votre lien de parenté ? Bah, c'est pour un mariage. Pourquoi tu la maries pas toi-même ? J'ai l'office des étrangers au cul, je suis gagné. Mais toi, t'as vraiment le bon profil. Un vieux PD au bout du rouleau qui vire sa cutie, qui tombe amoureux d'une petite africaine. J'ai besoin du soleil. Mais moi aussi, j'ai besoin de soleil. On a tous besoin de soleil, alors. Je veux votre chambre. Alors, tu sais quoi ? On va se mettre des petites règles au point, tous les deux, d'accord ? Pour éviter les fraudes, je vais remplir un questionnaire et après, on peut tout finaliser. Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, on a foiré, voilà. Je suis forcée d'avertir le procureur et d'ouvrir une enquête. Tombé mal, j'étais en train de faire l'amour à ma femme. Montrez-moi où vous dormez, mademoiselle. Excusez-moi, mais qu'est-ce que ça peut vous foutre ? Mais vous dormez tous les deux à gauche. C'est je peux au moins savoir à qui je donne cet argent ? Promis, j'aurais craché, je te les rendrai. Mais c'est qui, lui ? C'est mon frère. Philippe, mon nouveau compagnon. Mais Tamara, mon amour, qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Et comme ça, j'ai l'air un peu dépressif, mais je vous assure, je crois encore en la force de l'amour. Amour ? Espèce de gueule dégueulasse, casse-toi ! Un mariage, ça s'annule comme ça ! Comme ça ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Allez, dis-moi, n'importe quoi. N'importe quoi ? Oui, n'importe quoi. Oh. Merci. Après deux drames, Hors les murs et Je suis à toi, David Lambert se lance dans la comédie. Il nous raconte l'histoire de Martin, un homosexuel d'une cinquantaine d'années venant de perdre l'homme avec qui il vivait. Il va se retrouver emberlificoté dans une histoire de mariage blanc avec une noire, un prétexte pouvant donner lieu à pas mal de situations rocambolesques, sauf que ça ne fonctionne pas. La faute à quoi ? Essentiellement au manque de rythme. Dans une comédie, l'essentiel, c'est que ça bouge, qu'on n'ait pas une minute de répit. Dans Troisième Noce, ce n'est pas le cas. On sent souvent que cela la freine intempestivement et hors de propos. À la prochaine.